Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur France Impro, l'émission de musiques improvisées, tous les deuxièmes samedis du mois. J'espère que vous avez apprécié comme nous ce moment de musique live dans le studio ce matin, c'était un pur bonheur. Et il est 10h10, donc ce matin c'est Jean-Michel au micro, il y a Youssef à la technique avec moi, puis il y a Lucie qui est pas loin aussi. Et on a des invités, c'est eux que vous venez d'entendre. Des musiciens éclectiques de Toulouse. Et j'ai nommé donc Laurent Avizou à la clarinette. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Michel. Et Thierry Di Filippo à la guitare et aux objets, etc. Bonjour ouais. Thierry. Salut Jean-Michel. Merci à tous les deux d'être là ce matin. Ben, très content d'être là aussi. Ouais, c'est super chouette, quoi. Voilà, donc un petit peu le même programme que d'habitude, les émissions, ça consiste en faire de la musique dans le studio, déjà en live, quand on peut, quand on en a envie. On va passer quelques disques aussi, chacun a amené un peu des choses. On va parler des expériences des uns et des autres sur la musique improvisée, mais pas forcément que d'ailleurs, hein, c'est comme bon vous semble. D'accord. Et puis on va parler aussi des agendas concerts, des disques qui sortent, de vos projets, de tout ce dont vous avez envie de partager. Avec nous et avec ceux qui nous écoutent. Tu as dit musicien éclectique. Ouais. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Qui veut commencer ? Qui s'y colle, là ? Allez, je vais éclectique. Oui, éclectique. Ce qui veut dire ne pas s'attacher à une case. Ah. Entre autres. Ah, ouais. Ce matin, on est dans les mots, c'est chouette. Oui, pas s'attacher à une case. La musique, elle est... on veut toujours nous ranger quelque part, nous mettre à l'abri dans une case. Où est-ce qu'on te range ? Très, très tôt dans la musique, les programmateurs nous disent où est-ce qu'on te range. Puis le disquaire te dit où est-ce qu'on te range. Ouais. Toi, t'es musicien, t'es la messe, il faut que je me range quelque part. Ouais, ouais, mais où est-ce qu'on me range? Moi, j'ai décidé d'éclater ça. Enfin, d'autres l'ont fait avant moi, mais pas par musique. À commencer par Frank Zappa qui étalonne. Toutes les musiques sont bonnes, on pioche dedans, on fait ce qu'on veut avec. Du moment qu'il y a une nécessité, un intérêt, quelque chose. Oh, où est-ce qu'on range? On s'en fout. Mais on est obligé, on passe par la case. Où est-ce qu'on nous range? Donc, dès qu'on ne peut pas nous ranger, on est éclectique. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ça marche bien. Pour moi, la seule case, enfin, si case il y a, c'est son espace personnel, émotionnel, sensoriel, qui fait qu'on est bien dedans, puis on le remplit ou on l'anime avec tout ce qui peut nous faire résonner, en fait, hein, que ce soit... des musiques qui sont improvisées ou écrites ou pas. Oui, c'est ça. Pourquoi on serait obligé de s'enfermer, quoi. Ouais. Ou de s'auto-censurer. Ouais. Pour correspondre aux cases, au cadre. On est des fois obligé. Probablement. Probablement. Plus ou moins. Probablement. On subit cette censure plus ou moins consciente. Ouais. Ouais. Après, justement, ce qui est intéressant avec la musique improvisée, c'est ce côté... où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de codes. Du coup, on peut exprimer toutes ces envies. Voilà, du coup, finalement, on est sur un autre registre. Il y avait les cases qui étaient les styles musicaux. Et là, il y a la case où on est sur qu'est-ce que c'est que la musique et est-ce qu'on a des codes et des grilles et des cases à respecter en termes d'harmonie, de mélodie, de rythme et tout ça, ou pas. Et donc, en effet, là, on fait aussi sauter celui-là, quoi. Tant qu'à faire, oui, on fait aussi sauter ces codes-là. Oui. Après, plus ou moins, quoi. On a... Plus ou moins, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on on a toute l'attitude pour se donner des codes, des consignes ou pas, quoi. Alors, du coup, ces cases, est-ce qu'elles ne sont pas liées au commerce de la musique ? Souvent, quelque part, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est où est-ce qu'on range le disque, où est-ce qu'on, dans le magasin, où est-ce qu'on va trouver tel artiste, s'il se rapproche de tel courant. Ouais. Est-ce que... Comment on va le vendre aussi. Amor Fati, ouais. Du coup, à la FNAC, où est-ce qu'on le trouve, à quel rayon? Sur un sticker bien caché, quelque part. Sticker, j'entends autocollant, désolé de l'anglicisme. Ouais. Non, où est-ce que ça se range? La musique improvisée, elle a une toute petite place. Hein. Mais par contre, elle est forte de tous les acteurs qui sont autour, qui sont là pour la diffuser, venir l'écouter, la programmer. Ouais. Tu parlais de l'aspect commercial vis-à-vis des cases hein, dans lesquelles on essaye de ne pas trop se mettre, mais on y est obligé. il y a aussi l'aspect de comment tu, si tu n'écoutes pas, hein, si tu n'es pas en train d'écouter de la musique, mais que tu veux partager avec quelqu'un quelque chose, ce n'est pas facile d'en parler sans faire référence à des cases, justement. Mmh. Et oui. Je ne sais plus avec qui on parlait de ça l'autre fois, peut-être que c'est avec toi, avec Dominique aussi. La musique quand tu veux parler de la musique que tu fais, la musique est plus facile. Comment tu t'y prends à jouer, à faire que, quand tu fais de la musique improvisée qui n'est pas, qui est pas idiomatique, qui n'est pas. C'est compliqué, quoi. C'est partager avec des gens qui ne connaissent pas, parce que qui ne pratiquent pas forcément. Ce qu'on appelle musique improvisée, quelque chose qui existe, c'est un courant qui existe depuis les années 60, qui se développe, qui a une histoire, qui a des racines. Donc ça, c'est construit, ça existe. On peut dire, je joue des musiques improvisées européennes ou. Ça existe. C'est entre guillemets une case. Après, c'est difficile de. Même quand on fait un mélange, quoi, une fusion entre des musiques conventionnelles, déjà, c'est difficile d'en parler. Quoi, parfois. Ouais, exactement. Sans employer de référent, d'autres. Si tu commences à mélanger deux, trois cases, tu as du mal à expliquer ce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Ouais. Et on ne sait plus où te ranger dans le magasin. En plus. Voilà. Ouais. Alors, du coup, on est à la fois dans une case dans laquelle on essaie d'injecter le plus de liberté possible. Pardon. Donc c'est un peu paradoxal finalement. On est, on vogue dans une case libre. On essaie de décaser notre case. Comment ça il faut élargir les murs, quoi. C'est ça. Élargir les murs, le plafond, tout ça, rebousser les bornes et puis faire que les cases se superposent. Mais tant pis pour, c'est bien. Et tant mieux. Au contraire, et quoi. Et tant mieux. Donc ça se mélange, que les frontières s'ouvrent, que les murs tombent, que ce vilain mot de propriété là, avec lequel on est. Perdre un petit peu de sa proximité, de ses chaînes. Enfin, on est beaucoup là-dedans. Cette musique a quand même un aspect politique qui veut justement étirer les cases, fondre les frontières, pouvoir se mélanger, pouvoir penser peut-être un petit peu plus librement, pouvoir sentir des choses. Il y a quand même ça dans la musique improvisée. Je trouve que dans la musique improvisée, en plus, il y a cette dimension revendicative un peu. Quoi, de liberté qui va au-delà de la musique, quoi. C'est ce qui me plaît aussi dans ce domaine. Quoi. La priorité est là, quoi. Oui. C'est-à-dire que la priorité, elle n'est pas au commercial, elle n'est pas appartenir à un groupe, à un courant, à un style. Non, elle est à quelque chose d'autre qui est l'expression. L'expression libre, quoi. Ouais. C'est ça. Quoi. Oui, tout à fait. D'où l'aspect politique. Oui. D'où l'aspect politique. C'est un exercice pas évident. Hein. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a peu souvent, mais je me souviens au fil... sur la manière dont il fonctionne. Donc, je rappelle, le FIL, c'est la fabrique d'improvisation libre, un orchestre de musique improvisée qui a été monté à la base par Christine Wodraska et Eddie Boubaker, et qui joue souvent à la fabrique. Oui, répète à la fabrique déjà. Donc, qui répète à la fabrique toute l'année. Et qui propose 2 concerts par an. Et... à la fabrique. Oui, qui se mature pour essayer de sortir de la fabrique. C'est aussi, ça. Reprendre sa musique à 17 ou 18 dans d'autres lieux. Et alors, du coup, la manière dont ça fonctionne humainement, c'est super intéressant. Mais c'est pas évident, c'est pas donné. Hein, On le voit improviser, c'est comme là, on est 4, on improvise autour d'un micro, on est tenté de chacun rajouter notre grain, comment ça tourne, comment ça circule. Et l'improvisation part de là, on l'a tous, l'improvisation. C'est un dialogue, c'est une improvisation, on ne sait pas où on va. Tout à fait. C'est vrai. Enfin, on se donne chacun peut influer sur la conversation. Et c'est ça, à 17, c'est plus dur. Ouais. Ça demande une autre discipline, une autre écoute. Ouais. Donc c'est ce travail-là, l'écoute, l'improvisation, il y a aussi l'écoute de soi, surtout de l'autre. Énorme. Sans ça, ça ne peut pas exister. Quoi. Et oui. Si, tout seul. Dans les autres musiques aussi, mais disons que dans l'improvisation, c'est vraiment flagrant. Quoi. C'est du temps réel. Les autres musiques, sans écoute, y a pas de... Les autres musiques, on a souvent un pré-travail. On connaît le matériau à l'avance. Et l'écoute sert à le mettre en forme au temps présent, tandis que là, la forme, on ne la connaît pas à l'avance. Donc, il y a tout qui se crée dans le temps présent. Ouais. On peut parler de forme anarchique, peut-être ? Est-ce qu'on... Ça peut. Ouais. Oui. Pas de leadership, pas de tête, pas de... Mais on rejoint un peu l'aspect politique dont on parlait tout à l'heure, mais oui. Moi, ça me convient, en effet. Moi, je pense qu'il y a tous les niveaux, toutes les possibilités. Quoi. C'est-à-dire... pour moi, il n'y a pas de frontière entre ce qu'on appelle la musique improvisée et les autres musiques. C'est une espèce de palette qui peut aller d'une musique complètement écrite et prévue jusqu'à une impro totalement libre, mais en passant par toutes les possibilités qu'on a de faire une impro codée, de faire une impro dirigée, de prendre une musique conventionnelle et de mettre de l'improvisation dedans. Enfin, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est toute cet énorme éventail de possibilités qu'on a. Est-ce qu'on peut étayer un tout petit peu, je me dis, tiens, pour le public qui ne connaît pas cette musique-là, un pro codé, un pro contrainte, un pro libre, non idiomatique, idiomatique, est-ce qu'on peut dire juste deux mots pour... Ouais, deux mots, peut-être. Ouais. L'impro non idiomatique, c'est un terme qui est pas mal utilisé, qui se réfère à ne pas utiliser d'idiome, c'est-à-dire a priori de forme préexistante, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se référer à un style qui est déjà établi. Donc, ça va travailler beaucoup à partir de la matière sonore, le son, essayer de ne pas tomber ni dans un rythme, ni dans une mélodie, pour essayer de passer à côté, d'ouvrir d'autres portes, d'autres univers. Après, une impro codée, ça peut être... on va se prédonner quelques petites... un cadre, comme un tableau. On va se définir les bords du cadre pour habiller le tableau. Ça peut être une image. Oui. L'improvisation libre, c'est... on se dit rien, il n'y a pas de tabou, on peut faire du son, il peut arriver un rythme, tiens, il y a une valse qui débarque, on s'y embarque, c'est la plus belle valse du monde, on y va. Voilà, ça c'est peut-être le goût de la liberté, c'est qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de frontières, on peut ouvrir toutes les fenêtres ou tous les tiroirs dans le meuble, on va visiter celui-là, on y va, ouais, jusqu'au grain de poussière du fond, ouais. Oui, après, je sais pas s'il y avait d'autres impro, impro à contrainte. Je sais pas s'il y a quelque chose. Oui, après, ça peut aller de quelque chose de très ouvert jusqu'à des choses très contraintes, quoi. Par exemple, si on se donne une image, si on se dit, c'est un peu cliché, mais on va dire soleil couchant sur la mer, par exemple. Ouais. Voilà, et on va improviser autour de cette image. Que chacun va évidemment interpréter d'une manière complètement différente. Ouais. Mais voilà, ça peut être une première approche de consigne. Oui. Et on touche au sensible, au vécu, en fait. Jusqu'à des choses beaucoup plus cadrées, comme se donner une tonalité, se donner un rythme, se donner une structure. Voilà, quoi. Un fil et la fenêtre en c'était tombe. Le... c'était le bruit de la fenêtre qui s'écroule. Là, ici, même les fenêtres improvisent. Ouais, c'est un studio improvisé. On parlait du fil, est-ce qu'on peut lancer un... Un peu de musique ? Petite plage sonore ? Ben ouais. Le fil, alors c'est tout de suite sur France Impro, je le lance. C'était le premier concert. Hop, c'est parti. Thank you. Et donc, c'est bien l'émission France Impro ce matin. Laurent, tu nous as proposé ce morceau qui était en concert du Fil. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'était le premier concert du Fil, donc en juin 2013, à la Fabrique, où jouait donc Thierry Di Filippo dans l'ensemble. Voilà. Il y avait notre ami Youssef aussi qui est aux manettes. Non ? Mon unique concert avec le Fil. Et oui, ton unique concert avec le Fil. Oui. Donc c'est le premier. Et oui, tu nous avais dit que suite à ça, tu attendais ton luth électrique pour nous rejoindre, qui a mis des années à se faire fabriquer. Et puis aussi du temps. J'ai reçu le luth, mais du temps, j'ai pas reçu. Donc. Le temps n'est jamais extensible. Quoique, dans l'improvisation... Sûr. Ça, c'est pas sûr. Donc sinon, ce morceau, c'était une... Bon, on entend, c'était dirigé. C'était un morceau Sound Painting qui était dirigé par Xavier Paquetot. Et on entend bon, qu'il y a du cadre, qu'il se passe des choses. C'était une... Là, on jouait une bonne vingtaine, je ne me souviens plus. On était assez nombreux. Oui, ouais, on était assez nombreux. Ouais. C'était délicat à arrêter, du coup. C'est imprévisible. Oui. Alors du coup, le Sound Painting, tu peux en dire un petit mot ? Sound Painting, si on le traduisait, ça serait de la peinture sonore. Donc, c'est quelques gestes qui ont été développés par... je ne me rappelle plus qui, mais... Thompson. Donc, des gestes qui... servent à diriger un ensemble, c'est-à-dire des codes qu'on se donne ensemble, et donc ça permet d'improviser en temps réel sur un bagage, un matériau gestuel que tout le monde est supposé connaître, et qui permet du coup de changer l'inertie que peut avoir une improvisation en ensemble. Pouvoir faire des cassures, comme on l'a entendu, proposer des pêches, distribuer l'espace sonore, donner des termes de densité ou d'espace. Donc voilà, une forme de direction. Là, ouais. Ce n'était pas pour le coup une improvisation libre, puisqu'elle était dirigée, mais par contre, tout le matériau proposé par le musicien sont complètement improvisés et arrivent sur l'instant. Il n'y a rien de pré-travaillé, si ce n'est les gestes de conduction. Thierry, m'a semblé comprendre que tu étais intéressé par le sound painting. Beaucoup à cette pratique. Ouais. Tu peux nous en dire un peu ? Que j'ai découvert il y a. Ben justement, avec le Fil. Voilà, et ensuite j'ai eu l'occasion d'écouter des choses faites avec le sound painting qui m'ont vraiment marqué. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Voilà, donc ce qui est intéressant en fait, c'est l'interaction entre le sound painter en fait qui dirige et qui est un petit peu musiciens. Le chef d'orchestre finalement, qui entre est un guillemets. Genre de chef d'orchestre. Un genre de. Et qui donc va travailler avec une matière qui est imprévisible. Parce que ce que vont lui donner les musiciens, c'est quand même de l'improvisation. Donc l'intérêt, c'est que lui-même est en improvisation, mais avec un matériau improvisé. Donc il peut se passer n'importe quoi. Voilà. Intéressant. ce que ça va donner. Quoi. Ah ouais. Et tu as des projets dans cette approche ? Alors moi, j'essaie de lancer un petit projet là, de sound painting, mais orienté sur la musique des Balkans, la musique orientale et le jazz d'une manière un peu plus générale. Ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire rattacher des styles musicaux, des origines et des pratiques musicales ancrées dans un territoire, par exemple, avec des pratiques différentes qui sont plus proches de l'improvisation et notamment donc du sound painting et de l'interaction entre, entre une personne, quelqu'un qui va piloter un espace sonore et puis des musiciens qui vont intervenir. Voilà, dans ce projet, on va essayer de laisser une large place à l'improvisation, mais en même temps, il y aura l'aspect sound painting et ça sera rattaché à la base à des styles conventionnels de musique. D'accord, donc c'est un projet en création, c'est ça ? C'est un mélange de tout ça. C'est en création. Il y a un nom déjà ou pas encore ? Non, pas encore. Pas encore. Il faudra que tu reviennes pour nous en parler. Quand ça aura un petit peu avancé. Voilà. Mais... Sinon, vos projets, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ? Moi, je veux bien rebondir sur un... Bon, on a parlé du Fil, un autre projet qui existe depuis quelques temps, à peu près le même temps que le Fil, c'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, s'appelle Amor Fati Trio. Là, c'est un trio dans lequel j'exerce en tant que guitariste, clarinettiste, des fois chanteur, des fois des objets. Bon. Et donc, on est trois. Il y a aussi un batteur percussionniste qui joue aussi des objets, qui s'appelle Frédéric Cavalin, et un saxophoniste, baryton, soprano, sansa et plein de choses aussi, qui s'appelle Guillaume Petit. Donc ça, c'est un trio qu'on a formé, je ne crois pas dire de bêtises, en disant il y a 4 ans. On a beaucoup de travail ensemble, beaucoup de ce qu'on appelle répétition, même si en improvisation, c'est dur de parler de répétition. Je sais pas si le... C'est-à-dire, on se voit aussi hors scène. On travaille ensemble sur des matières. Mais par contre, on ne prémédite jamais rien. On n'a aucun morceau, on n'a pas de répertoire. C'est page blanche à chaque début de concert. Donc dans ce sens-là, on se rapproche vraiment de l'improvisation libre, sans aucune forme de direction entre nous. Il n'y a que l'écoute, il n'y a que l'instant qui est là et qui nous trace une forme de partition, je dirais. Oui, c'est vrai, ce terme de répétition, quand on fait de la musique improvisée, c'est paradoxal. Mais c'est paradoxal. Hein, c'est comme un entretien de l'écoute, de la sensorialité, quoi, de la corporalité, de ce que va nous faire une musique que va émettre un partenaire et qu'on va émettre nous-mêmes. Et comment on entretient cette pratique-là? C'est comme une relation. Si on veut parler de groupe en forme ou en musique improvisée, c'est qu'on va apprendre à connaître toujours plus l'autre et avoir peut-être des conversations de plus en plus riches au fur et à mesure. C'est-à-dire l'autre est peut-être soi-même aussi, dans la façon dont on va soi-même se stimuler soi-même, avec en avance, son instrument. Entre deux dates, peut-être, il peut se passer des fois, il y a des périodes de la vie où on s'écarte, ouais. Il y a deux mois où on ne s'est pas vu, et on va revenir, c'est un peu comme la rentrée des classes, chacun vit de son cartable, on arrive avec nos expériences, on est chargé de plein de choses, et on le partage avec l'autre. On a avancé, l'autre aussi, on se re-rencontre, et on va tisser toujours... quelque chose de différent, et on l'approfondit. C'est-à-dire, entre une rencontre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il va se passer des choses. On est toujours sur le qui-vive en improvisation, on écoute, on essaie d'être dans le temps, de répondre à l'instant. Et, une relation à long terme, c'est comme un couple ou quelque chose, il y a quelque chose de plus. Il y a de l'amour qui rentre dedans, il y a du partage, il y a la vie. Et donc, tout groupe gagne à avoir cette constante et à travailler ensemble, travailler et répéter, c'est ça, c'est se re-rencontrer, approfondir la relation. Et c'est vrai qu'en musique, c'est super quand une relation peut durer aussi. Est-ce que vous travaillez, vous travaillez personnellement cette musique? Est-ce que vous répétez avec vous-même? Est-ce que vous approfondissez ce lien avec vous-même? Est-ce que vous retrouvez cet amour de vous-même? On pourrait aussi poser la question à Chloé Perrino et Lucie Larry qui sont là depuis tout à l'heure. Et... Bonjour. Bonjour. Bonjour. Salut. Je sais pas qui veut rebondir sur la question sur ce sujet-là. Le travail personnel et l'impro. Très vaste question. Lucie. Oh oui. Personnellement, c'est très dur pour moi de me retrouver face à moi-même et à mon instrument et de me forcer à explorer tout ça parce que ça touche à des choses très intimes et paradoxalement j'ai plus de facilité à le faire en public. Peut-être parce qu'on peut se cacher aussi derrière quelqu'un d'autre, mais on s'exhibe pour se cacher, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est peut-être ça. Il y a une période où je l'ai beaucoup fait. Quand j'ai découvert l'impro, j'ai vraiment travaillé, creusé là-dedans, et puis voilà. Maintenant, je me nourris aussi beaucoup d'écoutes de concerts, d'écoutes de disques et d'échanges avec d'autres improvisateurs. Voilà. Par rapport au public aussi, quand on est avec soi-même, seul avec soi-même, on dialogue avec soi-même finalement, alors qu'avec le public, il y a aussi une espèce de dialogue. Oui, en fait, en concert, effectivement, il y a aussi une espèce d'interaction. Ce que donne le public est très très fort, selon les conditions, mais cette écoute-là, cette attente... Ça donne vraiment un coup de fouet pour creuser, pour chercher, pour se donner. Ouais. Et donc tout seul, et puis même sur le moment, donner, je veux dire, au moment de l'improvisation, finalement, même si le public ne participe pas d'une manière... on a quand même une participation du public par sa présence et on n'est pas dans le même état d'esprit. Bien sûr. Voilà. Non, tu parles de... public ne participe pas, je suis pas complètement d'accord. Moi, je pense que un public de musique improvisée participe d'autant plus par une écoute. Oui, voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire, il participe pas forcément par des sons. Oui, de façon sonique ou sonore. Mais il est là par sa présence et son écoute. Il écoute et les énergies qui tournent de ce fait. Ouais. Chloé, tu voulais intervenir? Je te vois. Ah oui, non, c'est que j'avais trouvé des rapports entre ce que tu dis, ce qu'il y avait dans le texte que j'ai dans la main. Mais avant, je voulais demander, est-ce que vous réécoutez ce que vous faites quand vous répétez et quand vous jouez en concert ou jamais? Beaucoup. Ouais, moi j'aime bien réécouter. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça et qui se disent qu'une impro, ça ne se réécoute pas. Et moi, je ne suis pas de cet avis. J'aime bien réécouter. Et parfois, on a des bonnes surprises. Parfois, on a des mauvaises surprises. Voilà. Mais c'est intéressant, quoi, je trouve. Mais vous avez souvent une écoute différente de la sensation que vous avez eue pendant que vous avez joué. Très souvent, oui. Ouais, surtout au niveau du temps, le temps qui passe. Des fois, on écoute, on a commencé le concert, on a fait une impro de 3 minutes, c'était super, il se passait plein de choses. Tu la réécoutes, elle faisait 8 minutes. Ouais, c'est vrai, ouais. Effectivement, c'était super, il se passait plein de choses, mais le temps, il y a une action sur le temps, même si on travaille beaucoup à ça. Moi, j'essaye de toujours mesurer le temps, je ne porte pas de montre, mais j'essaye de sentir le temps qui passe. Comment il passe, est-ce qu'il est objectif, est-ce qu'il est... Je joue, entre guillemets, ou je travaille beaucoup à ça. Ça, c'est un le travail temps. Intéressant dans l'improvisation, travailler ouais. sur le temps, justement. Et souvent, en répétition, ça marche. J'arrive à sentir, je me pose souvent les questions. Sur une plage de 18 minutes, je peux me planter de 2 minutes ou des trucs comme ça, mais si je fais attention à ça, en concert, ce qui est super, c'est que je lâche ça. C'est que ça n'a plus d'importance. On arrive à perdre prise, enfin, à lâcher prise, à vraiment s'envoler. Et c'est ces moments-là qui sont le plus jubilatoires sur scène. C'est quand on s'oublie. On s'oublie complètement, sans oublier ce qui se passe, sans oublier l'autre. Mais le temps, il prend des tours. C'est plus le même. Donc Chloé, ce matin, a porté un livre et elle a envie de nous lire quelque chose. Chouette. Ardemont. J'attendais le jour où je verrais la grande ville ensevelie à des toises de profondeur dans le sein de la mer. Le jour où je serais assis dans une caverne en train de lire à la chandelle. Où cet œil s'éteindrait pour me laisser enfin une chance de connaître mon corps, mes désirs. Où je serais seul pendant 1000 ans pour méditer sur tout ce que j'avais vu et entendu, seul pour oublier. Ardemment, je désirais quelque chose de cette terre qui ne porta pas la marque de fabrique de l'homme. Quelque chose qui eût absolument divorcé d'avec l'homme, dont j'étais sursaturée jusqu'à la nausée. Quelque chose de purement terrestre, absolument dénué d'idées. Ardemment, j'attendais le jour où je sentirais le sang refluer en courant dans mes veines, fût-ce au prix de l'anéantissement, où j'expulserais de mon organisme la lumière et la pierre, où je retrouverai la noire fécondité de la nature, le puits profond du sein maternel, le silence ou encore les lapements des eaux ténébreuses de la mort. Ardemment, j'aurais voulu appartenir à cette nuit qui illuminait l'œil sans remords, nuit diaprée d'astres et de comètes à traîne. Appartenir au silence de la nuit, à son effroi, à cet énorme mélange de mutisme et d'éloquence. Ne plus parler, ne plus écouter, ne plus penser. Être englobé et encerclé en même temps qu'englobé et encerclé. Plus de pitié, plus de tendresse. Ne plus être homme qu'à la façon terrestre, comme la plante, l'asticot, le ruisseau. Être défait. Débarrassé de la lumière et de la pierre. Changeant comme la molécule, durable comme l'atome. Sans cœur comme la terre elle-même. Merci beaucoup. Très beau texte. Vous êtes sur France Impro. Bon, c'est bien, on est tous sur un petit nuage. C'était Henri Miller, c'est ça ? C'était un extrait du premier chapitre de Tropique du Capricorne de Henri Miller. Merci, c'était très bien. Moi, j'avais envie peut-être de... Comme Laurent vient de parler d'Amor Fati. Oui. Bon, depuis un an, là, j'ai mis en place un rendez-vous de musique improvisée dans un lieu qui s'appelle Archipel. Et cette idée est partie un peu d'un jour où j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité par Amor Fati à la pizzeria Belfort, voilà, qui est un haut lieu d'ailleurs de l'impro aussi. Et qui m'a donné envie, voilà, d'avoir un rendez-vous comme ça régulier autour de l'improvisation, quoi. Voilà, donc ce rendez-vous, c'est une fois par mois. Archipel, c'est place Arnaud Bernard. C'est un atelier d'art plastique à la base, qui est ouvert voilà, des initiatives de ce genre-là. Et d'ailleurs, c'est un rendez-vous à la fois musical et aussi autour des arts plastiques, de la danse, auquel Laurent a participé maintes fois. Trois fois. Voilà. Et justement, les prochains rendez-vous, en fait, c'est le 16 avril avec Laïa O'Tonnell, qui est une danseuse, et Pascal Becker, qui va lire des textes. Et le 21 mai, j'ai dit le 16 avril, hein. C'est bien ça, je crois. Le 16 avril, premier rendez-vous. Et le 21 mai, justement, ce sera avec Amor Fati. Voilà, et le 18 juin, avec la fraction grossière, donc... Super. Eh ben moi, je propose qu'on écoute un peu d'Amor Fati, parce que c'est l'occasion, et puis Laurent nous a gentiment ramené. Avec Thierry. Alors, du coup, ça serait la troisième piste. D'accord, donc ça, c'est une des dates très particulières d'Amor Fati, parce qu'habituellement, c'est un trio, on invite donc un protagoniste, quelqu'un d'extérieur, à partager cet instant. Donc là, Thierry avait été invité. Et c'est une date assez particulière parce qu'Amor Fati s'est retrouvé en duo, c'est-à-dire Frédéric Cavallin venait juste d'être papa et n'a pas pu être présent. Donc ça a été une rencontre en trio. Okay. Donc c'est Amor Fati duo invite Thierry Di Filippo. J'espère que je vais passer la bonne piste parce que j'en ai deux. Oui, prends le... Trois. C'est pour improviser un peu. C'est parti. Thank you. Et Armor Fati donc invite Thierry Di Filippo. Oui, il y a un peu plus d'un an de ça donc. Oui. Il y a plus d'un oui, an de ça. Oui, c'est ça, oui. Un petit peu plus. Ouais. Donc ça se passait le sous-sol donc de la pizzeria Belfort dont on parlait tout à l'heure. Juste, j'annonce deux petites dates, les prochaines Armor Fati qui viennent là-bas. Il y a donc le 5 avril, c'est un dimanche soir, c'est le dimanche de Pâques si je ne m'abuse. Donc si vous avez fini de chercher vos œufs, vous pouvez nous rejoindre à 19h dans le sous-sol de la pizzeria Belfort, place Belfort tout simplement. Et vous verrez une pizzeria et c'est en sous-sol, voilà. Pour la suite, ce sera le 7 mai et là on invitera Mélanie Fossier, donc qui est une chanteuse toulousaine qu'on aura le plaisir donc de rencontrer et d'inviter à cette occasion-là. Voilà pour le futur proche d'Armor Fati et donc la date à Archipel que Thierry avait annoncé précédemment, qui était voilà, qui est le 21 mai donc. 21 mai, voilà. Thierry, tu veux parler d'autres projets, de dates, de choses particulières? Oui, peut-être. J'ai un projet aussi qui est assez axé sur la musique improvisée aussi. Enfin, l'idée en tout cas, c'est d'aller vers la musique improvisée, qui s'appelle Electric Zarka. Oui. Voilà, qui est plus électrique là, puisque comme son nom l'indique, qui est formé de Fabien Duscombes à la batterie, Colin Jor à la basse et David Audrechy au saxo soprano. Mmh. Voilà, moi-même je serai à la guitare électrique et aux luths électriques à terme. Voilà, pour l'instant on est plutôt sur du travail de choses plus ou moins écrites, voilà, avec quand même une bonne part d'impro. Mais l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers l'improvisation avec des bases minimalistes, des thèmes plutôt minimalistes, des tournes. Voilà. Et l'univers reste toujours autour de la musique orientale, du jazz, et là du rock un peu pour le coup aussi, ouais. De l'électro, puisque David emmène aussi des sons électro avec des machines. Voilà. D'accord. Donc c'est pareil, c'est un projet qui démarre. On sera à la CAF Poésie début août. Ça, oui, d'accord, je note. Voilà, j'ai pas les dates exactes en tête, mais c'est la première semaine du mois d'août. Quoi. On aura l'occasion de l'annoncer de toute façon, voilà. Ce sera dans les agendas. D'accord. Et ben, puisqu'on est dans les dates, moi j'ai quelque chose là, c'est le pavé dans le jazz le 7 avril, qui est un mardi. Au lieu commun, il y a Jean-Sébastien Mariage et Frédéric Gallia. Vous connaissez? Oui. Vous pouvez en dire deux mots? Moi, je ne connais pas, par contre. Hein, je note ça. Mais... Moi, j'ai déjà vu Jean-Sébastien Mariage, qui est un guitariste à voir, à rencontrer, à écouter. Ouais. Et Fred Gallia aussi. Ouais. C'est un bassiste exceptionnel. Donc, on est deux à vous dire, ah, oui. Viens-des-y. D'accord. Donc, c'est le 7 avril à 20h au lieu commun. Donc pas la semaine prochaine, la suivante. Quoi. Voilà, ouais, dans 10 jours. Deux jours après, le dimanche de Pâques, où vous pouvez donc venir voir Armor Fati. C'est plein de choses c'est après le dimanche. C'est fabuleux. Voilà, moi j'ai pas d'autres dates a priori là. On peut annoncer le dévernissage, oui. De l'exposition de Joaquin Rodriguez, oh, ouais, qui bien aura sûr. Lieu le 4 avril à la Pizzeria Belfort. Donc il y a entre-temps cette exposition qui est toujours visible en entrée libre le soir. Et... À l'occasion de la fin de l'expo, il y aura un concert de trompettistes. Donc, a priori, il y aura 3-4 trompettistes qui vont, oui. Faire une improvisation collective. Le 4 avril, donc, à partir de, je ne sais pas trop, disons 19h. 20h. Oui, il faut dire ça, à surveiller dans les agendas. Ouais. À citer l'agenda Sonophage qui regroupe tout ça. Si vous tapez dans, oui. Votre moteur de recherche préféré, agenda Sonophage. Sonophage s'écrivant S-O-N-O-F-A-G-E-S. Vous trouverez plein de propositions de concerts autour des musiques improvisées et expérimentales sur Toulouse et ailleurs. J'ai trouvé quelque chose qui est c'est les journées électriques à Albi. Oh oui. Ça, c'est un rendez-vous aussi exceptionnel. C'est jusqu'au 29 mars. Donc, il y a des installations, des séminaires et des concerts. Oui. Tous les soirs jusqu'au 29 mars. Donc, on a encore ce soir et demain. Mais il n'est pas trop tard. Mmh. Voilà. Donc, c'est à Albi. C'est organisé par le GMEA. Oui. Voilà. D'accord. Donc il y a le site, hein, vous allez voir l'usée, Journée électrique Albi sur Internet. Oui, ouais, il se joue même le City Life de Steve Reich et le Different Train. Ça, c'est une soirée. Bon. C'est ce soir. à voir pour ceux qui veulent covoiturer de Toulouse. Je pense que ça vaut le coup d'aller sur Albi écouter quelques soirées du GMA. Ce soir, on est d'accord. C'est ce soir J'aurais dit samedi. On est samedi. C'est samedi. C'est ce soir. Ça donne vraiment. On dirait pas, mais on est samedi. Après, le 7 mai, c'est un peu plus loin, mais il y a Alambic, Audrey Chen et Jean-Yves Évrard au théâtre de Le Hangar à Toulouse. Oui. Ça aussi. Soirée pavée dans le jazz. Ouais. Et voilà pour les dates. Je me permets du coup d'annoncer le concert d'un nouveau groupe de rock. Alors, c'est improvisé dans le sens plutôt très rock du terme. Un peu punk, mais c'est avec Jörg Graumann, qui est un guitariste qui a fait partie du Phil à une époque. Mmh. Et donc, plus un batteur et une vocaliste. On fait un premier concert au café associatif Le Burgo, donc c'est à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Et ce sera le 3 avril, vendredi prochain. Voilà. Ouais. Bon, on a un début avril bien... Bien rempli. Bien rempli, ouais. Je peux vous parler au passage de la fin du mois de mars, où il peut se passer des choses aussi. J'aurais plaisir de jouer à la fin du mois de mars. Et oui, c'est vrai, il reste encore deux jours. Je joue en fait le 31 mars au Mystère. Tiens, c'est le même lieu, c'est la Pizzeria Belfort. Mais en fait, ça va être une rencontre inédite avec quelqu'un avec qui je n'ai jamais joué, mais que je connais depuis le lycée. C'est-à-dire, c'est un vieil ami de lycée. On a des parcours parallèles, c'est aussi un guitariste et on va se rencontrer. Il s'appelle Stéphane Barascude. Donc, il travaille beaucoup, lui, avec du théâtre, de la danse, des choses comme ça. Il a un très, très beau parcours. Il a sorti quelques disques en téléchargement libre. N'hésitez pas à taper son nom sur votre moteur de recherche préféré. Et il s'appelle donc Stéphane Barascude. Et on se rencontre le 31 mars, c'est-à-dire le mardi qui vient, 20h30, Place Belfort. C'est un lieu qu'on apprécie particulièrement. Ouais. Il passe beaucoup de musique improvisée, de musique... expérimental, de tas de choses très intéressantes. Beaucoup de réunions aussi, de ciné-concerts, de poésie, de théâtre, un lieu d'activistes. Un peu de pub au passage pour la pizzeria Belfort et l'association La Porte de la Fontaine. Exactement. On se passe un peu de musique pour finir l'émission ou Thierry, peut-être tu as des choses que tu veux mentionner, d'autres ? Non, je ne crois pas. Je pense que j'ai... Lucie, Chloé. Bon, bah alors, puisqu'on insiste, je vais annoncer la sortie de mon double album. Bah oui. Dont un qui est totalement improvisé, violon solo. Et le deuxième, ça s'appelle le projet Poèmes en violonné. Donc, c'est un solo également, mais c'est des morceaux écrits au violon avec des textes, des poésies qui sont récitées ou chantées ou criées. Ou... Voilà. Donc, ça sera pour mi-avril, enfin plutôt fin avril, et j'espère qu'il y aura quelques concerts dans la région pour fêter ça. D'accord, en solo donc. Les deux sont en solo, c'est des projets très différents qui datent de périodes différentes, mais qui sont regroupés quand même dans une même pochette. Voilà. D'accord. J'ai hâte d'écouter ça. Eh bien, on envoie un petit peu de musique pour finir cette émission. Donc, on se revoit pour la prochaine. Ce sera, donc, on est le 28 mars. Ce sera le 11 avril. La prochaine émission France Impro, le 11 avril, à 10h, comme chaque second et quatrième samedi du mois. On espère que vous avez passé un bon moment. On remercie très, très, très chaleureusement Thierry Di Filippo et Laurent Avizou ce matin d'avoir fait ce parcours avec nous. Ouais, ben, c'était un régal. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'était un vrai régal. Et puis Chloé, Lucie, Youssef aussi ce matin. C'était bien que vous soyez là. Et merci Jean-Michel. Ouais, on espère que vous avez tous passé un bon moment. Et puis à dans 15 jours alors. On peut rappeler que les émissions sont podcastables. Yes. On peut les écouter en ligne sur le site que nous a gentiment préparé Dominique Eo. Ouais. Donc c'est franceimpro.net. Voilà, si on met France Impro sur... Google, ça marche, on retrouve maintenant, ça fonctionne. Ça marche. Ne pas oublier le R. Ne pas oublier le R, c'est ça. Qu'est-ce qu'on écoute, Youssef ? Eh bien, on va écouter... Alors moi, j'ai plein, il me reste quelques pistes. La cinquième ? Banco, je ne sais plus ce que c'est, mais oui. C'est surprise, c'est pour tout le monde. D'accord. Allez. À bientôt, merci. Thank you.